Le Centre d'études des études judiciaires du Brésil a inséré dans leur page d'Internet un article qui indique « Les États-Unis font bruit de la menace de la Corée du Nord pour l'isoler dans la société internationale et justifier leur politique d'austérité et d'agression. » Les faits historiques montrent que les États-Unis ont transformé la péninsule coréenne en pancho qui risque de voir une guerre nucléaire et que la Corée du Nord est la victime. Si une guerre éclate, la Maison-Blanche et les grandes villes des États-Unis seront mises à feu avant l'emploi de leurs armes nucléaires.